Avant, un licenciement, c'était ça. Martino, vous êtes viré. Mais grâce au séminaire La Philo pour les Filous, organisé par l'Association des directeurs de ressources humaines humanistes, vous apprenez à licencier avec style et doigté. Vous savez, Martino, comme le dit Schopenhauer, votre vie dans cette entreprise oscille entre ennui et souffrance. Vous seriez bien mieux dans une autre société, ou chez vous. Avec le séminaire La Philo pour les Filous, vous transformez une nouvelle tragique en perspective d'avenir pour vos ex-collaborateurs. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Nietzsche vous dirait, deviens ce que tu es. J'ai donné 20 ans à cette boîte. À ça, comme dit Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Le séminaire La Philo pour les Filous, une méthode de bourrage de mou qui a fait ses preuves dans de nombreuses entreprises du CAC 40. Vous êtes vraiment un enfoiré. Et vous avez raison. D'après Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Je vais te tuer. C'est bien ça. Et Epictète le dit d'ailleurs. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Attention, durant le séminaire, il est conseillé de participer également à nos ateliers d'autodéfense. Aristote avait raison, en toute chose, c'est la fin qui est essentielle. Pour des plans sociaux réussis, faites confiance à l'Association des directeurs de ressources humaines humanistes.